DevOps. DevOps, le magazine et observatoire du DevOps. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un numéro spécial de DevOps. Alors, on est l'été, on est à la cool, on est sur la plage, on est tous partis en vacances, Paris est désert, et on s'est dit que on pourrait faire des numéros spéciaux, spécialement dédiés à une technologie ou à une façon de faire. Et ça va être des numéros assez courts, assez rapides, on espère, et on appelle ça les Lightning DevOps. Et donc vous êtes au premier numéro et nous sommes avec Romain. Bonjour, bonjour. Alors Romain a fait un article il y a très récemment en fait, il y a très peu de temps sur... Ouais, un mois, deux mois, peut-être comme ça. Voilà, sur le déploiement. Et donc, je vais laisser vous en parler et puis j'essaierai de rebondir dessus pour lui poser des questions. Bah, déjà, un petit peu de contexte. Moi, donc, je suis indépendant. Je vais voir les entreprises pour les aider à régler leurs problèmes sur le déploiement. Donc, ça peut être un problème sur le processus de déploiement ou juste sur la production qui scale pas ou... en fait, tous les sujets qui touchent un petit peu DevOps et SRE qui sont assez mal compris aujourd'hui. Et j'ai justement écrit cet article pour résoudre un point de douleur qui est assez récurrent chez moi. C'est que les entreprises n'ont pas conscience que entre le travail des développeurs et l'installation en production, voire le maintien de la production, il y a un gouffre, il y a un projet, il faut investir de l'argent, il faut investir des compétences. Et ça, aujourd'hui, c'est assez mal compris. Les entreprises ont du mal à identifier ce pôle de dépenses, à identifier qu'il y a besoin de faire quelque chose à cet endroit-là. Et à quoi ce serait dû, à ton avis, ce manque de savoir, en tout cas, sur cette compétence ? Moi, je pense que le principal problème, c'est que DevOps, c'est quand même assez récent. C'est-à-dire que même si pour certains d'entre nous, ça fait plusieurs années qu'on en entend parler, ça fait plusieurs années qu'on s'intéresse au sujet, malgré tout, dans l'industrie, ça fait moins de 10 ans que ça dure, donc la plupart des entreprises ne le connaissent pas. Typiquement, en ce moment, je suis sur une mission dans un ministère, DevOps, c'est nouveau. L'échelle de temps d'une entreprise aussi grosse qu'un ministère, c'est pas la même que celle d'une start-up. Donc, faire venir des pratiques qui sont nouvelles, l'agilité, que ce soit de manière organisationnelle ou au niveau des outils, bah, ça prend énormément de temps. Donc là, aujourd'hui, moi, quand je vois des gros projets, souvent, on est à des années-lumière de ce qu'on peut lire dans la presse, ce qu'on peut lire sur les déploiements de Google, d'Amazon. Il y a vraiment un gouffre énorme entre ce qu'on va trouver sur ces entreprises un peu hype et ce qu'on trouve sur la réalité du terrain. Donc la plupart des entreprises qui ont des produits qui datent d'il y a plus de 10 ans. Ouais, justement, donc ça va être quoi cette différence que tu as identifiée? Si jamais on analyse le côté Bleeding Edge, les Google et Amazon, par rapport à ce que tu vois réellement sur le terrain et... Bah, la plupart du temps, c'est surtout une mauvaise interprétation des nouvelles pratiques. Je veux dire, le cas typique du client que je vais rencontrer, c'est on a mis Agile il y a 2-3 ans, et finalement, en creusant un peu, en fait, ils ont juste renommé le manager Scrum Master. Le manager d'en dessous, ils l'ont renommé PO, et puis les devs, bah, ça reste des devs. Vraiment, il y a une incompréhension complète de ce que c'est. C'est genre, on essaye de calquer tout ce qu'on a toujours fait comme avant, sauf que on leur donne des nouveaux noms. Et ce qui fait que une fois qu'on parle de déploiement continu ou qu'on parle d'architecture immutable, ils nous regardent avec des yeux ronds, les clients, et ils se disent, bah non, nous on fait pas ça. Mais par contre, on fait du DevOps. Et ça, vraiment, je pense qu'on a un devoir d'éducation qui a pas été fait. C'est le terme s'est répandu comme un espèce de feu de poudre. Ça a été hype. C'est maintenant DevOps, ça commence même à ne plus être hype. On commence à dire SRE à tout bout de champ. Mais dans tous les cas, l'industrie l'a pas adopté. Donc il y a vraiment ce décalage. Et aujourd'hui, ça c'est une douleur. Et je pense qu'on a un devoir d'éducation à faire de l'industrie. Et donc justement, comment t'expliques, toi, le déploiement, si jamais tu devais parler à ta grand-mère d'expliquer ce que c'est qu'un déploiement, comment tu l'expliquerais, en fait? Alors, la grand-mère, c'est un challenge assez sévère quand même, hein. C'est comme mon neveu qui a 5 ans, c'est compliqué d'expliquer un déploiement parce que il y a quand même pas mal de notions sous-jacentes qui sont un peu compliquées. notamment le simple fait de savoir qu'il y a une machine dans une salle serveur qui fait tourner l'application, c'est pas donné à tous les profils. Donc j'ai quand même la chance que mon interlocuteur moyen, il a un niveau plus élevé que ma grand-mère. C'est une chance, hein, je m'estime vraiment heureux. Par contre, eux, ce qu'ils ont vraiment pas intégré, c'est que l'industrialisation, c'est pas un seul script bash qui va se connecter en SSH sur la machine et qui fait un git pull. Il y a vraiment un process, il y a une nouvelle manière d'imaginer sa production, en fait. Et pourquoi d'ailleurs ça marcherait pas de faire ce... Parce qu'on peut-être on va rétorquer que pendant très longtemps, ça marchait ainsi. Et ça marchait très bien ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ça marchait. Des gens arrivaient à faire tourner des prods avec ça. Ah mais c'est donc carrément pourquoi changer bonne en fait, pourquoi avoir une nouvelle manière d'imaginer le déploiement en fait? Mais ça, c'est une très bonne question. Je l'ai souvent, cette remarque-là. C'est l'une des remarques que j'ai le plus souvent. La plupart des intégrateurs viennent me voir en me disant « Mais c'est débile de passer par vos systèmes avec des scripts très compliqués, parce que avant, je me connectais en SSH, je lançais ma commande, j'en avais pour 5 minutes. » Le principal problème que je vois, c'est que la commande que vous lancez manuellement, il n'y a pas de trace que vous l'avez lancée manuellement. Donc si demain, vous avez 10 serveurs et non pas un seul, bah faut faire 10 fois la commande manuellement sur les 10 serveurs. Et parfois, la personne qui a fait la commande, elle a démissionné, donc plus personne ne sait qu'il faut la taper, donc la prod, elle va tomber et ça va faire plusieurs heures d'indisponibilité le temps qu'on comprenne pourquoi. C'est le manque d'industrialisation en fait. C'est que toute opération manuelle, ça équivaut à si vous l'aviez pas fait en fait. Ça veut dire que si vous faites manuellement quelque chose, potentiellement quand votre serveur tombe et qu'on le redémarre, on va oublier de le faire. Et donc ça, c'est typiquement le plus gros problème qui s'oppose au fait d'avoir un script ou d'avoir des actions manuelles à faire. Et puis après, c'est aussi une question de précision et de taux d'erreur, en fait. Un humain a forcément un taux d'erreur qui est extrêmement élevé par rapport à une machine. Quand on automatise un déploiement, on est capable de le faire 10 fois dans la journée et on a confiance dans le déploiement parce que la machine ne fera pas d'erreur. Les erreurs potentielles que la machine pourra faire, c'est les erreurs que les développeurs ont faites. Mais là, c'est un bug et on le résout et ça marche comme n'importe quel autre projet informatique au final. Mais justement, en fait, t'as parlé des bugs. Peut-être l'avantage qu'on peut voir avec un être humain, en tout cas, et là je me fais vraiment l'avocat du diable, c'est de se dire qu'un humain va s'apercevoir de ses erreurs, là où une machine ne fera que bête et méchamment aller dans son bug. Est-ce que justement le déploiement n'a pas une partie humaine? Enfin, où est-ce que se place l'humain justement dans ce déploiement? Est-ce qu'il est uniquement dans la réalisation des scripts, de la mécanique de déploiement, ou est-ce qu'il y a une partie humaine qui doit être inhérente au déploiement? Je pense qu'on pourra jamais se passer des humains parce que ça, je l'explique à tous mes clients. À chaque fois qu'on rajoute du code, on rajoute pas du code, c'est pas one shot. Il y a le maintien derrière. Il y aura forcément des bugs, il y aura forcément des problèmes de déploiement à un moment donné. Il y aura l'application qui évolue, l'architecture qui évolue, la plateforme, peu importe. Donc il y aura forcément un humain pour corriger les bugs. La grosse différence entre des actions humaines et des actions machines, c'est que les actions humaines, une fois qu'on les a finies, la prochaine fois on repart de zéro, on est obligé de refaire tout depuis le départ. Une machine, c'est un script qu'on a écrit, donc quand on a une modification à faire, on additionne cette modification à tout ce qu'on a déjà accumulé comme expérience auparavant. Donc la machine ne fait que s'améliorer. L'humain, lui, repart de zéro, donc il est capable de régresser sur ses opérations, sur ses procédures. L'automatisation permet réellement de pallier en fait au défaut d'être humain, tout simplement. C'est tout l'intérêt d'automatiser, c'est de réduire le taux d'erreur. Après, par expérience, on pourra jamais l'annuler en fait. Il y aura toujours des erreurs et j'ai jamais vu aucune entreprise pouvoir se vanter de on fait plus d'erreurs. Ça n'existe pas. Moi, il y a quelque chose qui me tient pas mal à cœur, là, pour le coup, ce sera peut-être pas une question, c'est vraiment une remarque de ma part. C'est un sujet que j'aborde assez souvent, en off, ou même j'ai déjà fait des talks là-dessus, qui est la différence entre mécanisation et automatisation. Moi, j'utilise le terme de mécanisation, après je sais que Google dit la différence entre automatisation et automatique. Est-ce que tu vas pousser jusqu'à... d'abord, tu vas commencer par la mécanisation, c'est-à-dire les tâches qui avant étaient manuelles sont scriptées ou sont faites de manière, comme tu as dit, avec un apprentissage de code sur ce qui a été fait. Ou est-ce que tu vas même réussir à changer le process entier de déploiement pour devenir vraiment automatique quand on parle chez Google ou avec un automate le reste du temps, l'automatisme. Enfin, à quel niveau tu vas gérer le déploiement? Est-ce que vraiment tu vas juste mécaniser ou est-ce que tu vas aller au-delà dans ce que tu fais? Là, c'est assez marrant parce qu'en fait, je suis en train d'écrire un nouvel article qui parle de ça justement parce que le problème de l'automatisation, c'est qu'une fois qu'on a fini d'expliquer aux clients ce qu'on a envie de faire et vers quoi on évolue, la plupart du temps, ils sont impatients et ils veulent tout automatiser. Le gros problème de l'automatisation, c'est que on refait nos scripts tout seul dans notre coin, les développeurs font des erreurs, il y a des bugs. Au final, il y a vraiment toujours un double tranchant à rajouter du code quelque part. Parce qu'en rajoutant du code, on rajoute forcément de la surface d'erreur. Et en rajoutant de la surface d'erreur, logiquement, il y aura des bugs. Donc en fait, j'ai toujours une très grande méfiance vis-à-vis de l'automatisation. J'écris le moins de code possible et j'invite mes clients à toujours en écrire le moins possible. Plus on écrit du code, plus on fait des erreurs. C'est juste mécanique en fait. Il y a un moment donné, il faut juste éviter d'en écrire. Donc si jamais on utilise Jenkins parce que c'est le choix historique de la boîte et que Jenkins fait quelque chose et que ça a été codé par quelqu'un d'autre, ça a été testé par quelqu'un d'autre, on va utiliser cette partie-là parce que au moins celle-là, on sait qu'elle fonctionne. Moi j'ai du mal à distinguer automatisme, mécanisation, j'essaie d'avoir cette lucidité au cas par cas en fait, à voir que c'est pas parce qu'on peut automatiser quelque chose qu'il faut l'automatiser. Mais même loin de là, hein, souvent on perd du temps, on écrit des scripts qui nous paraissaient simples, finalement on y passe une semaine, et en fait on gagne très très peu. Donc en fait faut vraiment avoir cette lucidité et n'automatiser que ce qui est vraiment crucial à automatiser. Et donc justement, comment tu vas faire, enfin, qu'est-ce que tu vas faire si quelque chose n'est pas crucial à automatiser? Enfin, quelles sont les possibilités que tu vas te laisser entre tous ces biais-là, en fait? Quels sont les mécanismes que tu vas mettre en place si tu te rends compte qu'une automatisation est compliquée? La laisser pour un être humain, changer de système, changer d'organisation, etc., etc. Enfin, non, je sais que ça va être au cas par cas, mais à peu près, qu'est-ce que tu vas pouvoir retenir? Dans quel cas on va pouvoir revenir comme avant ou sauter une nouvelle barrière? Ouais, c'est assez compliqué en fait. C'est vraiment... par exemple, là, je sais que c'est un gros client. Au final, par exemple, il a une contrainte qui fait que c'est complètement impossible d'automatiser une mise en production. Puisqu'en fait, pour une mise en production, il faut avertir les services de production, parce que c'est un service externe, au moins une semaine à l'avance, avec un mail qui détaille ce qu'il y a dans la mise à jour, ainsi de suite. Donc, on en a automatisé une certaine partie grâce à du Gitlog, on rédige le mail, ainsi de suite. Mais en fait, la contrainte est trop forte. En fait, c'est la structure de l'entreprise nous empêche de l'automatiser. Donc, au final, quelque part, c'est pas grave, puisque avant, c'était pire. Je crois que c'est ça l'idée, le maître mot. Avant c'était pire, donc en fait on est en mode amélioration continue. Si demain cet organisme qu'on doit prévenir une semaine à l'avance, ils nous disent bon maintenant c'est deux jours parce qu'on a confiance dans les scripts, ce sera un progrès. Ce sera toujours manuel, mais ce sera un progrès. Vraiment, je pense que c'est l'idée principale derrière ce que je mets en place, c'est de mettre en place des améliorations continues, d'être lucide sur ce qu'on fait, c'est lucide sur comment on peut s'améliorer, et puis si c'est mieux qu'avant, c'est que c'est une bonne solution. Derrière, moi j'ai jamais vu une chaîne complètement automatisée en fait. J'ai vraiment l'impression que, à moins d'avoir énormément d'argent, ce qui est sans doute le cas de Google ou d'Amazon, ça juste marche pas, quoi. Au bout d'un moment, on sort une barrière entre l'énergie qu'on est capable d'y dépenser et le résultat qu'on veut obtenir. C'est comme avoir un uptime de 100% et d'avoir jamais aucun downtime. Il faudrait déployer une énergie colossale pour y arriver. Du coup, on met un peu la casquette Michel Goudeneuf et on se dit que finalement, notre déploiement, il est pas si mal puisque au moins il est mieux qu'avant. Si je prends là mon client actuel, on a réussi à faire un déploiement en urgence, en moins de 5 heures, là où avant il nous fallait 4 jours, 5 jours, pour un déploiement d'urgence. Là, si je reviens au déploiement, à chaque fois tu vas parler de déploiement applicatif, d'un déploiement métier d'une application, donc fait en interne. Ça va être la même chose si c'est un produit d'infrastructure, si jamais par exemple je veux déployer demain une base de données as a service, un cloud provider ou n'importe quoi, enfin un cloud interne type IaaS. Est-ce que les mêmes problématiques, est-ce que déploiement en fait, ça veut vraiment dire la même chose dans tous les cas en fait, c'est plus ça que j'aimerais voir. Est-ce que ça veut dire la même chose que de déployer un CSS pour mettre à jour je sais pas quoi dans un site ou déployer un firmware sur des machines. En fait, à quelle échelle est ce déploiement et est-ce qu'il y a des choses en fait en commun ou pas? Ben en fait, moi sur la partie firmware et je veux dire bare metal en fait, ce qui est matériel, j'ai assez peu d'expérience et j'ai tendance à dire que là ça reste un peu différent. Par contre sur la partie logicielle, que ce soit l'OpenStack qui permet de déployer derrière des applications ou que ce soit la dernière version du front-end, moi j'ai pas tellement de différence en fait. C'est-à-dire que j'essaye de suivre au maximum les recommandations 12 Factor App, les applications 12 facteurs, je pense que ça a été traduit en français, faudrait vérifier. Ce qui fait qu'en fait une application, qu'elle soit au niveau infra ou qu'elle soit au niveau fonctionnel, en réalité elle va être développée selon les mêmes principes fondateurs. Donc je vois pas tellement de différence en fait. Puis de toute façon, la production des gens qui déploient de l'OpenStack, c'est la plateforme des gens qui déploient de l'applicatif en fait. Mais moi, pour moi, le déploiement a pas lieu d'être réellement différent. C'est-à-dire qu'en fait, notre métier, c'est de s'occuper de la production, peu importe à qui elle s'adresse en final. Et ça, pour ça, je pense que toutes les productions se ressemblent au moins dans les grandes lignes. Après, les besoins et les contraintes de chacun font que tous les déploiements sont uniques. Et donc, tu as parlé de 12 Factor App. Quelles sont justement les bonnes pratiques 12 Factor, donc c'est 12 facteurs. Quelles vont être pour toi les choses en priorité souvent que tu as pu mettre en place et qui n'étaient pas présentes? Donc, ceux qui connaissent vont trouver ça peut-être très, très bateau, mais quelles sont les premières choses qui permettent souvent d'améliorer les contextes de déploiement en fait et que les gens ne connaissent pas Alors en fait, c'est assez drôle parce que dernièrement à un meetup, il y a un développeur qui m'a dit mais non, ça n'existe pas ce que tu me racontes. Mais en fait, la plupart des clients déjà n'ont aucun moyen d'automatiser l'installation de leur serveur. C'est-à-dire que les serveurs, dans 90% de mes clients, c'est des choses qui sont installées à la main. Donc en mode, je fais un SSH et puis j'installe avec apt-get install. Donc la toute première chose que je mets en place, en général je le fais avec Ansible. Moi j'aime bien cette techno, bon après on peut la critiquer. J'ai pas de préférence particulière, c'est juste celle que je connais le mieux. Donc en fait j'utilise ça pour déjà automatiser la réinstallation du serveur. Donc ma première étape, ma première milestone chez un client, c'est de pouvoir détruire la production et de la recréer. Ça c'est vraiment la milestone la plus importante selon moi. Ensuite derrière, il y a des clients qui sont donc un peu moins mal lotis, ou eux par contre ils ont automatisé les serveurs, mais il y en a très très peu qui sont arrivés à vraiment cette notion d'architecture immutable en fait. C'est-à-dire qu'ils continuent, même s'ils ont un équivalent de chef, Puppet, peu importe, de provisionner leur serveur au-dessus d'un serveur déjà provisionné. Ils partent pas d'un serveur tout neuf. Donc ça en fait, effectivement c'est un peu plus rapide que de reprovisionner une nouvelle VM et de refaire le provisioning from scratch. Néanmoins ça pose un problème, c'est que si le jour où votre serveur crash, vous n'êtes pas sûr que votre provisioning fonctionne sur une VM from scratch. Donc ça souvent c'est la deuxième chose que je mets en place. C'est un peu moins urgent parce que malgré tout la prod fonctionne à ce moment là, mais essayer de faire en sorte que les images qu'on va déployer, on les provisionne une fois et ensuite on sauvegarde l'image, et là à partir de là c'est l'image de notre déploiement porte la version du logiciel. Et même si on déploie juste un fichier CSS, bah on crée une nouvelle image, tant pis, ça coûte du temps machine, mais ça coûtera pas du temps humain dans le déploiement. Ça c'est la deuxième chose que je mets en place. Et la dernière, souvent je m'arrête là parce que déjà ça se fait sur 3-4 mois et je me dis que le client est sur de bonne voie, donc j'ai plus vraiment de valeur à ajouter, c'est la notion de blue-green, donc le fait de pouvoir popper une instance de la nouvelle version, refaire le câblage réseau pour que la nouvelle version prenne le pas sur l'ancienne et ensuite diminuer l'ancienne version. Ça c'est pareil, il y a plein de personnes qui peuvent utiliser des services qui sont tout faits, qui fonctionnent très bien. Moi, j'ai jamais utilisé de service tout prêt pour faire du blue green. Il a toujours fallu que je réécrive le script. Ça, c'est pareil. Ça peut faire sourire parfois, mais les scripts de déploiement, les scripts de blue green, bah, actuellement, j'ai pas trouvé de solution vraiment satisfaisante, toute prête, qui me permettait de le faire. Souvent, c'est le code que je réécris chez chacun de mes clients. Là, dans les deux premiers critères dont tu as parlé, il est assez peu question en fait du logiciel final. C'est plus l'environnement autour dont on a besoin, que ce soit les serveurs, les VM, pour arriver à un déploiement stable. Donc en gros, de ce que je comprends en tout cas, tu vas commencer par une base, par construire les fondations pour après pouvoir déployer. Le dernier point, par contre, le Blue Green, on a clairement besoin d'une intervention au niveau de l'application. Une application doit être adaptée à tourner à deux versions différentes en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu fais comme ça, d'intervention dans le code du logiciel, donc le logiciel métier, celui qui est développé en interne, et comment se passe cette relation-là justement, enfin, comment réussir à donner à une équipe de dev de dire il y a une problématique de déploiement. Ouais, j'ai tendance à dire que c'est ce qui fait que le travail est finalement plus compliqué que ce qu'il y paraît. Hein. Donc c'est assez simple de parler du déploiement, des différentes méthodes de déploiement. C'est de la littérature qu'on trouve sur Internet. Bon, elle est souvent en anglais, malheureusement, mais on peut trouver des traductions, hein, ça marche bien. Par contre, le vrai challenge, selon moi, il est surtout sur l'organisationnel, en fait. Il est surtout sur les relations qu'ont les personnes dans le processus de livraison, dans le processus de création. Quand un développeur me demande qu'est-ce que c'est qu'une brique stateless, bon, bah, je suis un peu embêté parce que ça veut dire que leur backend, il est pas stateless, en fait. Donc, typiquement, le blue green, ça marchera pas bien. Il va falloir que, enfin, je pourrais pas scale l'application en mettant deux briques identiques parce que ils vont peut-être pas réussir à parler à la base de données en même temps. Enfin, donc il va vraiment falloir que j'éduque aussi les développeurs à qu'est-ce que le déploiement, qu'est-ce que ça implique et pourquoi ils devraient s'y intéresser. Cette relation-là, elle est assez compliquée. Parce qu'en fait, c'est de l'humain. Donc j'ai pas fait réellement d'études de psychologie. J'ai l'impression que je commence à être bon en psychologie malgré tout, parce que j'apprends sur le tas. Mais ça, voilà, les devs, donc il y a vraiment une notion à... Il faut éduquer les devs, en plus d'éduquer le management sur qu'est-ce que c'est qu'un déploiement et pourquoi il faut investir dessus. Donc ça, c'est la partie, je vais dire, sociale du travail. Dans les faits, c'est une très très large partie du travail. C'est même le principal en fait, hein. Passer son temps en réunion, passer son temps à corriger, à faire en sorte que tout le monde se déchire pas sur les pull requests, mais soit plutôt constructif. Ça, par contre, il n'y a pas de recette magique. Il y a même assez peu de littérature sur comment on gère les conflits, comment on gère la transition, comment on fait les formations en interne. Il y a aussi un truc qu'on parle pas assez souvent, c'est que moi j'arrive dans une entreprise, je suis assez jeune, j'ai pas encore 30 ans, ben c'est mal vécu. C'est qui ce petit con qui vient nous donner des leçons? C'est un problème que j'ai, donc... Voilà, quoi. Ça, c'est la partie, je vais dire, un peu compliquée. Il y a rien qui nous prépare à ça. Il y a pas de formation qui nous permette de définir comment on le fait. Faut y aller au feeling et bon, bah, il s'avère que je suis pas mauvais là-dedans, donc tant mieux, mais j'avoue que c'est vraiment pas la partie la plus simple. Et dans les déploiements, donc là, t'as parlé très vite, enfin, tout à l'heure de Jenkins, etc. Justement, comment on garantit le déploiement? Quand on fait en sorte qu'il arrive de plus en plus souvent. On a une équipe plus grosse de testeurs pour pouvoir tester en permanence les nouveaux déploiements. Comment va se passer justement cette partie assurance des déploiements qu'on fait? Ouais. Sur la partie QA, j'ai eu un ou deux clients qui avaient des testeurs à temps plein. Donc là, c'est royal, on peut vraiment se reposer sur eux. La plupart du temps, ils ont pas. Donc, la plupart du temps, ils ont ni test QA, ni test automatisé. C'est le CEO qui se connecte sur la prod et qui teste un peu comme il peut. En fait, encore une fois, le maître mot, c'est mieux qu'avant. Ou c'est moins pire. Donc, on essaye de faire au mieux. L'avantage d'avoir industrialisé le déploiement, c'est que si une fois qu'on a déployé, on s'aperçoit que ça marche pas, on peut rollback, on peut remettre la version d'avant et ça nous coûte du temps machine. mais au pire ça dure une demi-heure si vraiment les scripts sont longs et il n'y a pas de raison que ça dure plus de 5 minutes en fait. Après, il y a aussi la solution de bon bah ça marche pas mais le fix est rapide donc on va pas déployer la version N-1 mais la version N+1. Donc ça c'est la solution qui est encore mieux parce que du coup on fixe très rapidement, on casse rapidement mais on répare rapidement. Enfin l'idée c'est le momentum de l'équipe qui évolue. Donc là on a évolué vraiment dans le mindset de c'est pas grave de faire des erreurs. Donc là on évolue vraiment sur la notion SRE hein, qui est décrite comme le crédit d'erreur, si vous n'avez pas suffisamment de downtime, si vous n'avez pas pris suffisamment de risques. Donc là c'est plutôt bien. Maintenant le must du must c'est d'avoir à la fois des tests automatisés et une équipe de QA. Quoi. Le problème c'est que les clients n'ont pas tous le budget de s'offrir ça. Écrire les tests automatisés, ça prend du temps. Une équipe QA, ça prend des salaires. Jusqu'à maintenant, la plupart de mes clients, ils n'ont pas ces choses-là. Donc, on s'occupe surtout d'automatiser le déploiement sur la partie QA. Bon, quand ils ont le budget, tant mieux. Puis la plupart du temps, c'est moins pire qu'avant. Et donc, en imaginant qu'il y a une QA, même en imaginant qu'elle soit super avec, comme tu as dit, l'automatisme et des tests user humains, qui va prendre la responsabilité de déployer ? Et question donc qui vient avec, qui va le faire ? Oui, ça dépend de la boîte. Mais justement, qu'est-ce que tu as pu voir ? Et justement, pour démystifier un peu ce processus de déploiement, c'est comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a un grand meeting des chefs à plumes qui dit « là c'est bon, on a testé, on est OK et tout le monde met un go et on part dans ces cas-là » ? Est-ce qu'on a un flux plus continu ? Est-ce que c'est le SRE qui en prend la responsabilité ? Est-ce que c'est le chef de produit ? Quelle va être justement peut-être toutes les dimensions qu'on peut avoir là-dessus ? J'ai eu pas mal de schémas différents. Dans les startups, on est plutôt en mode YOLO. Le dev a fait un quick fix et il appuie sur le bouton et puis ça marche. Sur les gros clients, c'est un peu différent. Il y a vraiment une réunion de validation. Il y a le contact de la partie qui s'occupe de la supervision et des astreintes. Donc au final, la question de la responsabilité, moi, elle me fait doucement sourire, mais elle est très différente dans chaque entreprise, en fait. Parce que le problème de la responsabilité, c'est le problème de qui est-ce qu'on engueule si ça marche pas. Et plus la boîte est grosse, plus elles sont réticentes à faire des mises en production, plus elles sont réticentes à déployer. Ce qui est assez drôle, c'est que c'est vraiment un cercle vicieux. S'ils sont réticents à déployer, ils vont attendre plus longtemps, donc il y aura plus de features, donc il y aura plus de bugs potentiels, donc il y a des chances que ça se passe mal. Et vu que ça se passe mal, la prochaine fois, ils seront encore plus frileux, ils vont mettre encore plus de temps, il y aura encore plus de surface. Enfin, du coup, ils vont forcément évoluer vers un modèle où ils vont être bloqués, quoi. Ils vont faire une mise à jour tous les 6 mois et ça c'est le plus mauvais pattern qui existe. L'idée c'est de déployer le plus souvent possible parce que quand vous déployez souvent, vous déployez peu. Les développeurs n'ont pas eu le temps de faire 30 000 features. Donc quand on déploie peu de features, y a peu de bugs potentiels et souvent les utilisateurs sont très contents de tester la feature. Et ils sont même pas en colère quand ils trouvent des bugs, en fait. Ils sont même plutôt contents de dire « Ah, la nouvelle feature, c'est pas encore sec. » Donc là, l'idée de la responsabilité, elle diminue au fur et à mesure que les déploiements diminuent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les erreurs sont moins graves, tout le monde s'en fout et on peut prendre la responsabilité, ça se passera bien. Là où ça devient problématique, c'est justement quand les déploiements sont très espacés et que le problème d'une mise à prod peut faire un downtime de 48 heures, 72 heures. Là, c'est très grave et là, on a besoin d'un pôle qui prend la responsabilité. Mais ça, c'est typiquement le mauvais pattern et c'est ce que j'essaye de casser. Donc, j'essaye de ne plus parler de responsabilité de déploiement parce que justement, j'aimerais bien qu'on enlève ça, en fait. Et donc, là, on parle de logiciels qui sont, en tout cas, de structures qui sont déjà bien définies, avec des logiciels qui sont déjà en place et donc qui sont dans un mode maintenance, en fait. C'est d'ajouter des nouvelles fonctionnalités ou de résoudre des problèmes. À quel moment je m'occupe du déploiement ? C'est-à-dire, c'est à quel moment dans le cycle de vie d'un produit et dans la création d'un produit, on va se soucier de ces problématiques de déploiement. C'est quelque chose qu'on a eu dans le dernier DevOps, qui malheureusement n'est pas encore en ligne parce que je n'ai pas accès aux sources venant de l'école 42, donc si quelqu'un a des contacts, je veux bien. Mais quelqu'un nous avait justement posé la question de savoir quels étaient les outils qu'il fallait utiliser, à quel moment je m'en souciais, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, alors que je suis dans la création d'une startup. À quel moment je me soucie de ce problème-là de déploiement? C'est au tout début? C'est quand on a un logiciel qui marche? C'est à quel moment on va avoir ces problématiques-là qui apparaissent? Ou en tout cas qui deviennent problématiques? Et à quel moment toi tu les résolveras? Mais en fait, la réponse rapide qui me vient en tête tout de suite, c'est le plus tôt possible. Dès le premier sprint, il faut qu'on soit en prod, puisqu'en fait, en gros, à chaque itération, à chaque changement, la milestone pour dire ça y est, c'est fait, c'est que c'est en prod. Je veux dire, si c'est pas en prod, ça sert à rien, l'entreprise gagne pas d'argent avec, donc c'est comme si on n'avait rien fait. Donc la mise en prod, c'est le plus tôt possible. Mais là, on en revient au point du départ, c'est que l'industrie n'est pas éduquée sur justement ce problème de déploiement. Donc la plupart du temps, ils vont engager des devs pour faire un produit avec une deadline intenable parce que les investisseurs veulent quelque chose dans 2 mois et il y a 4 mois de dev. Donc en fait, on va postponer la partie déploiement. C'est pour ça qu'elle arrive souvent en retard. Donc j'arrive souvent dans des entreprises qui me disent « Bon bah voilà, on a développé un truc magnifique, par contre c'est pas en prod et on sait pas comment faire ». Pour moi, c'est un mauvais pattern. C'est si jamais on a la possibilité de partir d'un projet from scratch, la CI, la CD, c'est des choses qu'il faut réfléchir dès le départ. C'est pas le but d'avoir une CI/CD complètement aux petits oignons, tout automatisé. Enfin, on va perdre du temps si jamais on veut faire ça. Mais d'avoir au moins des linters et un process pour dire quand j'appuie sur ce bouton-là, j'ai une image qui se crée et ensuite je peux la déployer. C'est le plus tôt possible. C'est le premier jour du projet, en fait. Si jamais on attend la veille du déploiement pour se demander comment on déploie, c'est sûr, on est sur un échec. Et donc, pour finir, quelle va être pour toi la journée type idéale d'un SRE, en tout cas tel que toi, tu verrais la journée idéale, la journée qui se passe très bien dans une organisation quasi parfaite et qui va... Alors en fait, c'est assez drôle parce que le travail SRE, on garde une vision assez utopiste de « on n'a plus rien à faire » en fait. Enfin, typiquement, moi je ne sers à rien dans le cadre idéal. Les développeurs sont autonomes, ils créent une application et les personnes qui sont chargées de mettre en production, souvent c'est le CIE ou le commercial, bah il appuie sur un bouton et puis ça marche et puis tout va bien. Donc ça serait la journée typique dans le cadre vraiment idéal. Ma journée à moi, elle est plus tiraillée entre des développeurs qui se demandent est-ce qu'ils devraient mettre plus de logs, comment ils devraient les rapatrier pour avoir plus d'informations sur la production. D'un point de vue déploiement, ça va être est-ce que cette feature-là, tu penses qu'elle est sèche, est-ce qu'on peut passer sur telle nouvelle version de telle brique. Donc j'ai quand même beaucoup de travail au quotidien. C'est notamment sur l'évolution des briques, hein. Typiquement faire évoluer Solaire sur la dernière version de Solaire parce que là on est en version 6, il y a une version 7. Pareil pour ELK, pareil pour MongoDB, pareil pour ça c'est ce que les développeurs ne gèrent pas. Et puis du côté développeur, ça va être j'ai une nouvelle variable d'environnement à préciser, il faut la rajouter dans les déploiements. Et ça c'est la journée typique calme qui m'arrive. Après, il y a la journée moins typique où il y a un problème en prod. Donc là, je suis sur le qui-vive, mais en général, on appelle les développeurs puisque bah, les bugs, ça fait partie de l'application, quoi. La plupart du temps. Ça peut arriver un bug d'architecture, mais c'est plus rare. Bah super. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de la partie déploiement. Je ne sais pas si c'est quelque chose à rajouter. Là, comme ça, ça ne vient pas en tête. Bon, bah, donc c'est qu'on a assez parlé du sujet. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, un format court sur le déploiement. On va essayer d'en faire beaucoup cet été pour que vous ayez un peu de lecture, soit sur la plage, soit quand vous rentrez dans les transports en commun vides à Paris ou ailleurs d'ailleurs. Et on vous souhaite à tous de bonnes vacances. Oui, de bonnes vacances. Voilà. Très bonnes vacances. Rechargez-vous, lisez, bullez, faites ce que vous voulez. Et voilà, et puis on vous souhaite de revenir bien en forme à la rentrée pour encore plus de DevOps. Ouais, exactement. Voilà. Merci à tous. Au revoir.